mardi 23 octobre, l'unité en un corps. Paul est très concret dans les paroles inspirées qu'il adresse aux Éphésiens. L'unité qui existe entre juifs et gentils, entre personnes d'origine culturelle et ethnique différentes, n'est pas un mythe ou une simple construction théorique. C'est une réalité qui exige de nous que nous nous comportions de manière digne de l'appel que nous avons reçu. D'après Éphésiens 4, les versets 1 à 3, que signifie pour les chrétiens se comporter de manière digne de l'appel qu'ils ont reçu en Christ ? Ces vertus et ces grâces dans la vie chrétienne ont une conséquence pratique. Elles contribuent à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tous ces attributs sont enracinés dans l'amour. L'amour vécu concrètement préserve les relations parmi les frères et sœurs et promeut la paix et l'unité dans la communauté chrétienne et au-delà. L'unité dans l'Église manifeste l'amour de Dieu de manière unique dont tous peuvent être témoins. L'Église est appelée à être un témoin, en particulier dans les temps de conflits, de divisions et de guerres. Lisez Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Citez un thème crucial présent dans ce passage. Dans les premiers versets de ce chapitre, Paul exprime son profond intérêt pour l'unité de l'Église. Il commence par une exhortation à l'unité et poursuit avec une liste de 7 éléments qui unissent les chrétiens. L'unité est à la fois quelque chose que les croyants possèdent déjà, quelque chose qui doit constamment être cultivé et maintenu, et quelque chose qui représente l'objectif futur vers lequel nous tendons. L'apôtre exhorte ses frères à manifester dans leur vie la puissance de la vérité qui leur a été présentée. Par leur douceur et leur amabilité, par leur patience et leur amour, ils devaient représenter le caractère du Christ et les bienfaits de son salut. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur et une seule foi. Comme membres du corps du Christ, tous les croyants doivent être animés du même esprit et de la même espérance. Les divisions dans l'Église déshonorent la religion du Christ devant le monde et donnent l'occasion aux ennemis de la vérité de justifier leur attitude. Les instructions de Paul n'étaient pas seulement destinées à l'Église de son temps. L'intention de Dieu était qu'elles nous parvinssent. Que faisons-nous pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Quel choix pouvez-vous faire sans attendre pour être sûr que vous vous comportez de manière digne de l'appel que vous avez reçu ?